Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, rencontre avec Christelle Mauss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Maison des femmes de Nancy, un lieu dédié à l'accueil, à l'écoute et la reconstruction des femmes victimes de violences. Ce projet de la Maison des femmes, il est né il y a quelques années. Vous pouvez revenir un peu sur son origine ? Il est né d'une volonté de la municipalité de Nancy et du département de Meurthe-et-Moselle de créer une structure dédiée aux femmes victimes de violences et un espace ouvert au grand public. Donc, je n'étais pas dans toute cette phase préparatoire, mais les élus ont travaillé à la création d'un projet et à définir un lieu pouvant accueillir cette nouvelle structure. Et depuis 2 ans, il y avait donc des travaux sur l'ancienne maison du vélo qui était anciennement une ancienne école maternelle pour devenir la future maison des femmes. Et nous travaillons depuis un an et demi à la structuration. Nous sommes une association financée essentiellement par des fonds publics, mais nous sommes une association. Il y a plusieurs types de maisons des femmes. Il y a des maisons des femmes santé qui sont à l'initiative des ARS, donc qui cherchent à se développer sur l'ensemble du territoire français. Mais les maisons des femmes, comme nous avons nous maintenant depuis récemment à Nancy, ne sont pas très nombreuses. Je crois qu'elles sont plutôt une dizaine ou une quinzaine en France, chacune structurée de manière différente, avec des orientations un petit peu différentes. La création de la Maison des femmes, c'est aussi le résultat du travail de 3 associations nancyennes. Il y a 3 associations fondatrices qui sont présentes depuis le démarrage des réflexions. Ces 3 associations fondatrices sont présentes sur le territoire nancéen. Il s'agit de Arelia, du CIDFF de Nancy et de France Victimes 54. Donc ces 3 associations ont déjà l'habitude, sont déjà organisées, accueillent déjà des femmes victimes de violences. Et là, il s'agit de pouvoir travailler autrement et d'avoir un lieu central qui rassemble tout le monde. Donc les 3 associations sont présentes dans la gouvernance de l'association, mais vont tenir également des permanences. Quels sont les différents aspects que propose la Maison des femmes ? Nous avons plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui est un accueil de jour pour les femmes victimes de violences ou qui cherchent à avoir des renseignements, qui peuvent venir spontanément ou qui peuvent venir sur rendez-vous, qui sont accueillies par des coordinatrices de parcours qui les écoutent, qui les conseillent, qui les orientent. Il y a aussi des femmes qui peuvent venir parce qu'elles sont en danger imminent. Elles peuvent se présenter spontanément 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Elles trouveront un accueil et ensuite elles seront dirigées par les soins des coordinatrices de parcours sur le territoire nancéen. Et nous avons une autre entrée qui se situe vraiment pour le coup rue Charles III. Donc c'est l'entrée principale et qui est vraiment dédiée au grand public. Donc c'est un espace de prévention, c'est un espace de sensibilisation qui est vraiment destiné au grand public. Cet espace-là, on ne va pas l'animer seul en tant que Maison des femmes de Nancy. On compte aussi sur l'ensemble du réseau associatif dans le secteur. Il s'agit de sensibiliser sur les violences faites aux femmes, mais pas seulement. Nous souhaitons aussi avoir un gros travail sur l'égalité femmes-hommes et pouvoir sensibiliser tout le monde, parce que tout le monde y a sa place, dès le public scolaire jusqu'à un public plus âgé. Enfin voilà, personne n'est épargné par toutes ces questions. Cet espace, il a aussi vocation à accueillir des associations qui auront envie de tenir des événements, des réunions. Nous avons des espaces pour accueillir les associations féministes où elles peuvent aussi laisser leurs affaires, du matériel et pour faire vivre vraiment cet espace. Christelle Mauss, vous êtes présidente de la Maison des femmes. Comment est venu cet engagement ? Je suis militante depuis longtemps. J'ai commencé assez jeune dans le milieu associatif et dans le milieu syndical. Je suis enseignante. Voilà, après, c'est la question de l'égalité femmes-hommes, de la question des violences. C'est un sujet qui devrait tous nous concerner parce que ça ne devrait pas exister. Et c'est des chemins de vie pour certaines qui sont extrêmement compliqués. Et voilà, j'y ai été sensibilisée et je m'engage pour les femmes. Donc l'histoire de la Maison des femmes de Nancy a commencé début novembre. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce lieu ? On espère qu'il va pouvoir être envahi par l'ensemble des Nancéens, des Nancéennes, des Meurthe-et-Mosellanes et des Meurthe-et-Mosellans pour pouvoir se renseigner, que ça soit un lieu qui va vraiment vivre, qui soit riche avec une programmation aussi, avec des événements qui vont pouvoir se dérouler dans les murs ou hors les murs pour sensibiliser l'ensemble de la population Après, nous savons aussi que toute la partie qui est plus technique sur les violences faites aux femmes, hélas, répond à une utilité. C'est une réalité. Ça ne devrait pas exister, mais c'est une réalité. Et sur cette partie-là, nous avons des professionnels qui travaillent. Maintenant, on est contente d'avoir le lieu qui soit enfin ouvert parce que ça fait aussi longtemps qu'on travaille à cette préparation. On espère que tout ça va être bien accueilli également, que chacun va pouvoir et chacune va pouvoir s'emparer de ces questionnements pour que ça infuse un petit peu partout et que tout le monde se sensibilise, à commencer également par les scolaires, parce que nous souhaitons aussi avoir un focus un petit peu particulier envers les collégiens, les lycéens, les étudiantes, parce qu'il faut aussi démarrer tôt aussi cette sensibilisation et cette oreille qui doit aussi être travaillée jeune, il ne faut pas attendre. Merci à Christelle Moss, présidente de l'association qui porte la Maison des Femmes de Nancy. Deux informations pour conclure. Le 3919 pour toute situation d'urgence ou de doute. C'est la ligne nationale d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr, une plateforme numérique de signalement des violences et d'accompagnement des victimes. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.